Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 2 janvier 2017. Voici les grands titres de cette édition. Deux personnes ont été tuées, une autre a été enlevée la nuit dernière en zone Kienzi de la commune Kanyosha de la province Bujumbura. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial sur les lieux. Et le président de la République ainsi que son parti, le CNDD-FDD, condamne l'assassinat de celui qui était ministre de l'eau et de l'environnement, Emmanuel Niyonkuru, tué la nuit de samedi. Le président Pierre Nkurunziza a écrit sur son compte Twitter que ce crime ne restera pas impuni. Et le parti MRC, Lorenzo Nguemero, à travers la voix de son président, le professeur Juvenal Ngoguanoubusa, demande qu'aucune autre vie ne soit ôtée à toute personne. Même si le facilitateur Mkapa a déclaré que les personnes poursuivies par la justice ne seront pas conviées au dialogue inter-burundais censé reprendre ce mois de janvier, l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya estime, lui, que ce dialogue devrait être le plus inclusif possible. Et le Burundi vient d'avoir une certification de vente du thé au niveau international, ce qui permettra à l'OTB d'être en contact direct avec les acheteurs étrangers. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire, deux personnes ont été tuées, une autre a été enlevée la nuit dernière en zone Kienzi de la commune Kanyosha de la province Bujumbura, où la rédaction a envoyé Évariste Nzikobanyanga. Bonjour Évariste. Bonjour Jean Bosco. Oui, vous êtes en direct depuis Kienzi. Qui sont ces personnes tuées? Les deux personnes tuées, il s'agit de Gilbert Bandira, dit Juma Enesor Nyeshimana, dit Mandela. Ces deux personnes faisaient partie d'autres personnes qui rentraient d'une fête organisée en famille dans le but de célébrer le nouvel an. En cours de chemin, ils ont été fusillés par des inconnus. Voilà, les deux hommes sont morts sur le champ. Et il paraît, Évariste, qu'une autre personne a été enlevée dans cette zone. Vous confirmez l'info et qui est-elle? Oui, l'info est confirmée par la famille d'Alexis Nsabimana. Il est représentant des jeunes membres sympathisants de M. Agathon Rwasa, le député Agathon Rwasa. Jusqu'à l'heure qu'il est, la famille dit qu'elle n'a jamais trouvé trace de d'Alexis Nsabimana. Il demande à la police, il demande à l'armée de les aider à faire des enquêtes pour que l'heure soit retrouvée. Oui, justement, où en sont les enquêtes puisque vous évoquez la police? Avez-vous parlé à la police sur place? Oui, ce qu'on a constaté, que la police est déjà à l'œuvre, l'administration est déjà à l'œuvre. Il y a 6 personnes qui ont été arrêtées dans le but de mener des enquêtes sur l'assassinat de ces deux hommes qui ont été tués hier aux environs de 20h30. Ah oui, et pour terminer, Évariste, que demandent les familles de ces personnes? Les familles de ces personnes demandent que des enquêtes soient menées dans l'immédiat. J'ai appris sur place qu'un conflit foncier serait derrière cet assassinat. Ils m'ont été suggéré que le tribunal de résidence devrait descendre sur terrain aujourd'hui, mais la mort de ces deux personnes, dont un qui était en conflit avec son cousin, est mort hier. Donc aujourd'hui, le tribunal de résidence de Ruyaga n'a pas effectué cette descente. Merci Évariste pour toutes ces précisions sur l'assassinat de ces deux personnes. Et nous restons dans la province de Bujumbura pour vous dire que Vitalio Gaspar, un homme de la colline Rugende dans la commune de Kabizi, a été assassiné dans la nuit de ce dimanche. Il a été tué à la machette aux environs de 23h30 par un groupe de personnes non encore identifiées. Séverin Fatillé, c'est le chef de colline Rugende qui donne cette information, dit que le disparu a été tué devant la porte de sa maison quand il sortait, et que ce soit au niveau de l'administration et les voisins, ils ignorent les mobiles de cet assassinat car cet homme était sans reproche dans la cohabitation. Et le parti CNDD-FDD condamne énergiquement l'assassinat d'Emmanuel Niyonkuru, c'est l'ancien ministre de l'eau et de l'environnement. Et cela apparaît sur le compte Twitter de ce parti. Il est écrit que le terrorisme, quelle que soit sa nature et sa forme, est à combattre. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a également présenté ses condoléances à la famille du défunt. Via son compte Twitter, il a fait savoir que ce crime ne restera pas impuni. Même condamnation de la part du professeur Juvénal Ngogwa Nobusa, c'est le président du parti MRC. Il dit que Emmanuel Nyonghuru, l'ancien ministre de l'eau et de l'environnement, était un homme serein. Il indique que cet ancien ministre n'avait pas de garde du corps parce qu'il avait confiance en sa population. Il demande à ce qu'aucune vie ne soit plus enlevée à toute personne dans ce pays. Suivez le professeur Juvénal Ngogwa Nobusa, c'est le président du parti MRC, Lorenzo Ngemero. Et je connaissais la personne de Emmanuel Nyonghuru. Il avait la réputation d'être proche de ses semblables, qu'ils appartiennent ou non à sa formation politique, en particulier des jeunes qu'il côtoyait dans le domaine sportif. Lui-même était très serein et ne redoutait pas ses propres compatriotes, raison pour laquelle il ne s'encombrait pas de forces de l'ordre dans ses déplacements. Il s'agissait d'un homme politique qui, au dire de ceux qui l'ont connu, veillait à sauvegarder l'intérêt public, surtout les terres appartenant à l'État. Au nom du parti MRC Lorenzo Ngemero, je présente naturellement mes condoléances à sa famille et je lance un appel vibrant au gouvernement burundais afin que nul ne succombe plus à la barbarie, qu'il soit politique ou non. C'est d'ailleurs mon souhait le plus ardent pour l'année 2017. Le professeur Juvénal Ngogwa Nobusa, président du parti MRC, Lorenzo Ngemero. Et un certain Nyandu Evariste, alias Matui, commerçant résident au chef-lieu de la province Rutana, est sans trace depuis la nuit de vendredi. Selon des sources sur place, des inconnus l'ont enlevé alors qu'il rentrait chez lui. La police à Rutana dit s'activer pour tenter de le retrouver. Les détails avec notre correspondant dans le sud du pays, Jean-Pierre Misago. Selon certains membres de sa famille, Nyandu Evariste, alias Matui, a disparu depuis 22 heures de ce vendredi. Ce commerçant, qui n'est pas très actif en politique, venait en effet de déposer une parenté chez elle et s'est arrêté à environ 500 mètres de son domicile, les phares de son Jeep Prado allumés. Ce n'est que samedi matin qu'on a constaté que personne n'était dans cette voiture dont les phares s'étaient finalement éteints, la batterie s'étant affaiblie. La famille a récupéré le véhicule. Mais le leur était injoignable, tous ses téléphones portables éteints. Depuis lors, la famille de ce commerçant n'espère plus le retrouver vivant. De son côté, la police en a fait une autre lecture. Selon Donatien Bizimana, commissaire provincial de police à Rutana, aussi longtemps que le corps de ce commerçant ne sera pas retrouvé, la police ne pourra pas confirmer sa mort. Il informe que des recherches continuent pour tenter de le retrouver. Jean-Pierre Misago de Pirutana, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya estime que le dialogue inter-burundais qui va reprendre au cours de ce mois de janvier doit être inclusif, contrairement au souhait du facilitateur Mukapa qui dit que ceux qui sont poursuivis par la justice ne seront pas invités à ce dialogue. Sylvestre Ntibantunganya considère que jusqu'aujourd'hui, ce dialogue n'a pas encore connu une avancée significative pour parler de vrais problèmes auxquels font face les Burundais. Suivez-le. Le problème se pose beaucoup plus au niveau des séquences. Vous avez parlé de dialogue. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les Burundais ont dialogué sur les questions auxquelles les Burundais font face aujourd'hui? Est-ce que les Burundais ont dialogué sur les assassinats, les morts que la crise actuelle a causé sur les prisonniers? Est-ce que les Burundais ont dialogué pour faire face à la question des 300 000, voire plus, de réfugiés burundais dans les pays voisins? Est-ce que les Burundais ont dialogué sur la santé des partis politiques qui doivent être les piliers de la démocratie, sur la liberté et la responsabilité de la société civile, de vous, les médias? Est-ce qu'ils ont dialogué là-dessus? Non. On peut étendre la liste. Moi, j'ai l'impression que nous avons un problème, nous, les leaders burundais. Des fois, nous sommes tentés de croire que la vérité ne se trouve que de notre côté. Dès que vous pensez qu'on se fait faire attention, et là, je le dis d'expérience, vous pouvez vous retrouver dans une démarche avec tort qui peut vous nuire vous-même. Par contre, si vous avez l'humilité de penser que ce n'est pas nécessairement l'autre face à vous qui est mauvais, mais que vous aussi pouvez avoir des responsabilités, après, cela vous aide à dessiner cette vérité qui va vous libérer tous les deux. Je crois que c'est un effort que nous aurons à faire, nous les Burundais, notamment au niveau des leaders. Et quand je parle de leader, je ne parle pas seulement de leader au niveau des institutions politiques. Je parle également des leaders dans d'autres secteurs de la vie nationale. C'est vrai, les plus concernés sont les leaders dans les institutions, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les institutions militaires et policières, mais aussi sont concernés les leaders des partis politiques et notamment ceux qui s'inscrivent dans l'opposition. Sont concernés également les leaders dans d'autres secteurs aussi influents dans le pays que les confessions religieuses, l'Église catholique, les confessions protestantes, les musulmans, les leaders au niveau des médias. Et je pense que le jour où nous aurons pris conscience les uns les autres, nous allons trouver que nous cherchons une solution alors que nous l'avons. Vous savez, il y a ce proverbe qui dit « Mundarondero Morokandi Aufsimukwa ». Il suffit tout simplement d'avoir de l'humilité. Certainement qu'on va trouver des voies. C'était le président Sylvestre Ntibantunganya. Le Burundi vient d'avoir une certification de vente du thé au niveau international, en plus des trois marchés d'écoulement de ce produit. Selon Gorette Nimagarité de la cellule communication au niveau de l'Office du thé du Burundi, OTB, cette certification permettra à cette entreprise d'être en contact direct avec les acheteurs qui le veulent sur le plan international, ce qui constitue un avantage important pour le pays et pour les théiculteurs. Suivez la chargée de la communication, Gorette Nimagalitse, au micro de Placide Niomongere. L'OTB oriente sa production de thé sec sur trois marchés. Il y a le marché local, le thé que nous consommons. Il y a le marché international à travers les enchères de Mombasa. Il y a aussi les acheteurs directs. La certification du thé du Burundi, c'est comme un visa international. Ça va nous permettre de vendre le thé de l'Office du thé du Burundi sur tout le marché international. C'est-à-dire, vous allez trouver le thé du Burundi à New York, à Hong Kong, Paris, Bruxelles et j'en passe. Ça veut dire que nous sommes maintenant autorisés de vendre directement sur un marché où nous trouvons de la clientèle au niveau international. Il n'y a plus d'acheteurs qui vont bouder notre thé en prétextant que ce n'est pas du thé certifié. C'est-à-dire qu'on va négocier les prix. On va être en contact direct avec les partenaires, avec les acheteurs qui le peuvent et qui le veulent. Et sans doute, les devises vont entrer dans le pays. Ça va aussi contribuer au développement de notre pays. Quant aux théiculteurs au niveau des usines à l'intérieur, est-ce que cette certification va avoir des retombées positives de leur côté? Une chose que vous devez savoir, les théiculteurs, ce sont des partenaires privilégiés de l'OTB. L'OTB ne peut pas exister sans les théiculteurs. Car le chiffre d'affaires augmente, c'est sûr que les théiculteurs aussi en bénéficient. C'était Gorette Nimagalitse de la cellule communication au niveau de l'Office du thé du Burundi. Et certains habitants de la ville de Bujumbura déplorent la hausse des prix de certaines bières de la Brarudie. Ils disent que cette flambée va les faire plonger davantage dans la pauvreté. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures adéquates à la cherté de la vie qui continue de se manifester. Suivez-les. À ce qui est de la hausse des prix de la Brarudie, nous avons accueilli cette décision avec amertume. Parce que vous voyez que le Burundi vient de traverser une situation très difficile il y a une année. Une situation qui est l'origine de cette conséquence de la hausse des prix. Et là alors, il ne faut pas ignorer qu'il y a une année, le Burundi était en bonne coopération avec les autres pays. Et avec ces problèmes politiques que le Burundi vient de traverser, nous constatons la hausse des prix. Parce que l'État maintenant se courbe sur lui-même, sans coopération avec les autres. L'État va essayer d'arrêter, si l'expression est permise, d'arrêter le petit peuple, le petit paysan, qui n'a même pas la autre vie des moyens. Et là alors, nous demanderions aux décideurs de laisser cette décision, afin que le paysan puisse se développer dans ces petits moyens qu'il a, afin de pouvoir essayer de réduire les prix de première nécessité, surtout les prix de la Brarudie qui viennent d'être vus à la hausse. En tout cas, nous avons été surpris à propos de cette hausse des prix et des boissons. Nous avons été très surpris. Cette décision était d'une façon spontanée, puisque nous étions vraiment dans une ambiance de la fête et de bonne nouvelle. La majorité vraiment était très surprise, puisque lorsque nous étions en train de fêter, et nous avons vu que La décision était prise d'une façon spontanée. Nous n'étions pas à mesure d'avoir des boissons. Il faut que l'état de Roma change ses prix pour que chaque individu soit libre ou bien soit heureux à propos de ces boissons-là. Vraiment, c'est un grand problème pour la population. Vous voyez qu'il y a la hausse de prix sans que vraiment on ait un cœur ouvert pour la population. Vraiment, c'est déplorable. Ce que je demande au gouvernement, il faut que quand même qu'on revoie les intérêts de la population, voir la vie que la population règne aujourd'hui. Normalement, c'est pas nouveau. Cette hausse de prix nous a vraiment surpris. Et donc, nous ne savons pas si quand on va hausser les prix, on a tenu compte pour les citoyens burundais qui sont pauvres. Parce que jusqu'à maintenant, dans notre pays, il y a la pénurie monétaire. Donc, nous demandons si on veut hausser les prix. Tout simplement, nous voulons qu'ils peuvent tenir compte pour les petits citoyens, afin qu'on puisse les favoriser. Parce que dans notre pays, tout le monde a le droit de continuer à vivre comme les autres. Voilà, c'était certains habitants de la ville de Bujumbura réagissant sur la hausse, notamment des produits de la Bras-Roudier. Leurs propos ont été recueillis par Alain Désiré Boukayeneza. Et l'Association burundaise des consommateurs appelle la population, les consommateurs en général, à dénoncer des commerçants spéculateurs qui souvent profitent de la montée officielle des prix de certains produits pour revoir à la hausse les leurs. C'est au moment où la Bras-Roudier a revu ce dimanche à la hausse les prix de ses boissons. Le président de la Bouko, Noël Ngrunziza, fait aussi un clin d'œil à la population. Elle doit changer de comportement en ce qui concerne la consommation. Suivez au téléphone avec Léonce Vitalio. Nous avons constaté dans le passé qu'une fois qu'il y avait une hausse des prix des produits de la Bras-Roudier, il y avait des commerçants qui spéculaient sur les produits qui n'ont pas de rapport direct avec ces produits de la Bras-Roudier et qui augmentaient des prix dans la même proportion ou même plus. Et c'est par là où nous exprimons nos inquiétudes et en profitant pour lancer un appel à ces commerçants pour qu'ils évitent de jouer à la spéculation parce que ils veulent perturber la poche du consommateur qui n'est pas au beau fixe. Et nous en profitons aussi pour lancer un appel aux différentes autorités qui ont le contrôle des prix dans les attributions, redoubler d'efforts pour éviter justement qu'il y ait de spéculation avec des conséquences néfastes, même si des produits qui n'ont pas de rapport avec ces produits de la Bras-Roudier. Parce que nous avons déjà entendu des échos qu'il y en a qui commencent même à vendre ces mêmes produits au-delà des prix qui ont été fixés. Nous lançons aussi un appel aux consommateurs pour d'abord qu'ils changent de comportement et s'ajuster selon la situation, mais aussi de dénoncer ces spéculateurs pour qu'ils ne jouent pas la spéculation dans une situation pareille. Un appel aussi peut-être à ceux qui votent les lois et ceux qui les mettent en application. Tous ces sont services des consommateurs. D'abord, voir, de laisser de près la situation pour que le moment venu, ils analysent si jamais le consommateur ne supporte pas un lourd fardeau, auquel cas il devrait encore y ajuster ce qui serait possible pour que le consommateur ne puisse pas en pâtir. C'était Noël Nkurunziza, c'est le président de l'Association burundaise des consommateurs au téléphone avec Léonce Vitalio. Santé à présent, le programme de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans va être réformé dans les jours à venir. Cette annonce est du président de la République, Pierre Nkurunziza, qui regrette qu'il y a des bénéficiaires de ce programme qui en abusent. C'était lors de la conférence publique de ce vendredi. On l'écoute, il est traduit par Joseph Sabiyabandi. C'est un excellent programme et l'État ne compte pas y renoncer. Cependant, nous voulons le réformer pour inciter à la discipline ses bénéficiaires. Nous avons trouvé qu'un homme peut donner naissance à 5 enfants en une année à cause de la polygamie en se disant que l'État va payer. Imaginez-vous l'État qui supporte les frais de 5 naissances illégitimes. Vous comprenez? C'est un bon programme que le gouvernement a mis en place pour faciliter la population, mais dans l'ordre de la loi et de la discipline. Les enfants qui étudient en 8e, 9e, tombent enceintes et les frais de naissance sont supportés par l'État. C'est un grand problème. Compte tenu à ces défis, nous projetons réformer ce programme, car même les femmes auxquelles nous nous sommes entretenues disent que c'est un bon programme, mais qui a besoin d'être amendé, car, précise-t-elle, il est déplorable qu'un homme donne naissance à plusieurs enfants sur différentes femmes en se targuant que l'État va payer. Cela cause aussi des problèmes dans les ménages. Alors, nous allons dans les jours à venir réformer ce programme pour inciter les bénéficiaires à plus de discipline. Voilà, c'était le président de la République dans la conférence publique vendredi à Rutan. Grogne de certains membres de l'association Sois Burundi, antenne de Bujumbura. Ils dénoncent une certaine opacité dans la gestion de leur caisse sociale. Un d'eux explique que l'assistance aux malades hospitalisés est l'un des points du statut régissant cette caisse. Un point qui n'est malheureusement pas suivi aujourd'hui, regrette-t-il. Suivez-le, il est traduit en français par Alain Désiré Boukayenet. Notre problème concerne une caisse sociale que nous, membres, avons mise en place. Nous nous sommes mis d'accord que les cotisations seront déposées à la SOA, mais que la gestion sera faite au niveau de cette antenne. En tant que responsable, je demande la situation du compte, on ne me donne pas de réponse. Je ne parviens pas à avoir de détails. Je n'ai pas à dire aux membres. Normalement, qu'est-ce que vous donnez comme cotisation mensuellement? Normalement, quand chaque membre se fait soigner, si on lui donne 3 médicaments, il verse 300 francs. Si on lui fait 5 médicaments, il verse 500 francs. Si c'est 1, il donne 100 francs. Nous ne connaissons même pas l'effectif des membres pour chiffrer cette somme. Que vous ont dit les responsables de la SOA Burundi, antenne Bujumbura? En ce qui concerne l'argent, c'est au niveau du social. C'est avec lui que nous devrions compter cet argent, mais il ne me reçoit pas. Ce que j'ai fait, c'est d'adresser une correspondance à la coordinatrice antenne Bujumbura pour que demain, les membres ne me demandent pas leur cotisation et que je démissionne. Combien de mois ces cotisations n'ont pas été versées au compte? Dans la récente Assemblée générale, nous avons trouvé que le compte est déficitaire. Sachez que la coordinatrice de Sois Burundi, antenne de Bujumbura, dit avoir reçu la correspondance, mais sans plus de détails. Et pour terminer l'actualité nationale, la formation de Vitalo a mille chances de se qualifier dans la phase des demi-finales du tournoi baptisé Coupe de l'Unité. C'est après que cette formation ait battu samedi dernier les Lières sur le score de 6-0 au match aller. Cela étant, les équipes Flambeau de Ruyigui et Musongati de Gitega ont égalisé 0-0. Ce sont les matchs retour prévus ce mercredi qui vont déterminer les équipes qualifiées en demi-finale. L'actualité sportive avec Évariste Nzikobanyang. Le samedi dernier de l'année passée 2016, le tournoi de football en première division baptisé Unité Nationale était en quart de finale. Au Fazalé, deux matchs ont eu lieu au stade des Princes du Gwagasore. À 14h, le premier match a opposé les formations de Messager Bujumbura et l'Idéaludique Burundi Sport for Africa. L'Idéaludique s'est imposé sur le score d'un 1-0 de Messager Bujumbura. À 16h, ce sont les équipes de Vitalo et les Lières qui ont croisé le fer. La formation de Vitalo a battu les Lières sur le score fleuve de 6-0. Les quarts de finale ont également eu lieu à l'intérieur du pays. Au stade de Rukundo Dongozi, Messager Ngozi a rivalisé avec Aigle Noir de Makamba. Le match s'est soldé sur le score d'un 1-0 en faveur de Messager Ngozi. Au chef-lieu de la province Ruyigui, Flambeau de l'Est a joué à domicile contre Musongati de Gitega. Le match s'est terminé sur le score vierge de 0-0. La formation qui a mille chances de se qualifier dans les demi-finales, c'est Vitalo qui a 3 points et 6 buts en poche. En deuxième position viennent les formations de Messager Ngozi et l'Idéaludique Burundi Sport for Africa qui ont 3 points et 1 but en poche chacune. En troisième position viennent les formations de Flambeau de l'Est et Musongati qui ont 1 point et 0 but chacune. Et en quatrième position vient Aigle Noir qui a 0 point et 0 but. Les matchs retour sont prévus mercredi de la semaine en cours pour déterminer 4 clubs qui vont accéder aux demi-finales de ce tournoi baptisé Coupe de l'Unité. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et c'est sur ce site que vous nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Beaucoup de questions restent en suspens après la signature samedi 31 décembre de l'accord entre la majorité présidentielle et l'opposition de la République démocratique du Congo. Les bons offices des évêques catholiques qui ont accompagné et supervisé les négociations sont loin d'être terminés. Les différentes composantes politiques congolaises doivent encore se retrouver pour arriver à un consensus sur un arrangement particulier portant sur de nombreuses questions, dont le calendrier d'application de l'accord. Une première réunion devrait se tenir cette semaine. Certains points inquiètent faite comme les réserves mises à côté de la signature de la majorité présidentielle au bas de l'accord. D'autres rassurent, comme l'annonce de la fin des poursuites judiciaires contre plusieurs opposants. Et le texte donc prévoit le maintien en poste du président Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin le 19 décembre. Le chef de l'État ne quittera le pouvoir qu'après l'élection de son successeur fin 2017. Il ne pourra ni briguer un troisième mandat, ni tenter de modifier la constitution pendant la transition. Le rassemblement de l'opposition se voit attribuer le poste de premier ministre. Il obtient en outre la direction du comité chargé de faire le suivi de l'application du compromis politique, conclu le 31 décembre. Et cet accord donc survient après de longues tractations ponctuées par des rebondissements. Et il était voulu inclusif, mais certains partis d'opposition comme le MLC de Jean-Pierre Bemba ont refusé d'y adhérer, dénonçant un complot contre la République. Et l'année 2016 a été la plus meurtrière pour les migrants africains en Méditerranée. Plus de 5000 morts selon l'ONU, un record. Alors même que le nombre de personnes ayant traversé la mer a fortement diminué. 7189 morts ou disparus dans le monde, 4812 en Méditerranée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations qui communique ces chiffres, pour l'année 2016, cela représente 20 décès par jour. Un record macabre, un plafond jamais atteint depuis des dizaines d'années. La route de la Méditerranée centrale reliant la Libye et l'Europe est donc devenue aussi meurtrière que la guerre au Yémen. Et la chasse à l'homme continue en Turquie pour tenter de retrouver l'assaillant qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul la nuit du Nouvel An. Et parmi les victimes figurent plus d'une vingtaine d'étrangers, dont une franco-tunisienne et son époux tunisien. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique ce lundi matin, mais les enquêtes ne semblent pas progresser très rapidement, même si on dispose de précisions sur le déroulement des faits. Enfin, l'explosion d'une voiture piégée a fait 10 morts et 35 blessés ce lundi dans le quartier de Sadr City à Bagdad. C'est ce que l'on apprend de sources policières et médicales. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais l'État islamique a pour habitude de mener des attentats contre des civils dans la capitale irakienne. Il est 13h23 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée.